j'aimerais voler de la soupe. Mon Dieu, mon Dieu, c'est où y'a soupe. N'y'a l'an je bolan et non banni. Mon bande n'a qu'une illusion. N'a si ta nom de Nasima wele koyo, buluna mese bende mbaka po. Son, son weya nini pula bo. Mon bande no kini son. Nasita no. J'aime boire dans la soupe. C'est